rester avec ses deux enfants, deux petites jumelles de 6 ans. Aujourd'hui c'est Noël, il n'a plus d'argent, plus de famille à temps partiel, plus d'amis à plein temps. À plein temps, c'était pas une émission avec des acteurs qui copulaient avec des marionnettes en bois. Ta gueule, continue ta toune. Ouais. Yeah.